Gorillot payait encore 1 200 francs de pension. Madame Vauquet trouva tout naturel qu'un homme riche eût 4 ou 5 maîtresses, et le trouva même fort adroit de les faire passer pour ses filles. Elle ne se formalisa point de ceux qui les mandaient dans la maison Vauquet. Seulement, comme ses visites lui expliquaient l'indifférence de son pensionnaire à son égard, elle se permit, au commencement de la deuxième année, de l'appeler « vieux matou ». Enfin, quand son pensionnaire tomba dans les 900 francs, elle lui demanda fort insolemment ce qu'il comptait faire de sa maison, en voyant descendre une de ses dames. Le père Goriot lui répondit que cette dame était sa fille aînée. « Vous en avez donc 36 des filles ?» dit aigrement Madame Vauquet. « Je n'en ai que 2, » répliqua le pensionnaire, avec la douceur d'un homme ruiné qui arrive à toutes les docilités de la misère.